Donc avec les changements du programme, on a un exposé sur, juste sur cette session-là, en une demi-heure à 40 minutes. Donc c'est Chu Yin-chen qui vient de Paris 8, qui, moi je suis très content chaque fois de la revoir, parce qu'en France, des gens qui font de l'informatique, qui font de l'art d'abord, et de l'informatique en vie artificielle, mais je pense que j'en connais pas beaucoup d'autres, aucune d'ailleurs. Et donc elle va vous présenter Digital Mental. Merci. Bonjour à tout le monde. Oui, justement, tout à l'heure, Yves, vous avez dit que c'est vraiment rare que des artistes qui travaillent sur la vie artificielle. Je me souviens quand je voudrais enregistrer des mots pour ma thèse sur la vie artificielle en art, et bien ça n'hésitait pas. Du coup, j'ai obligé avec mon directeur écrire. Pas des papiers pour justifier que maintenant il faut même plus de temps. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Alors, aujourd'hui, ma présentation, ça sera plutôt, va présenter sur le parcours artistique autour, bien sûr, de la vie artificielle. Le sujet sont proches, mais le chemin qu'ils ont pris sont très différents. Très différents. Alors, voilà. D'abord, je commence par mon parcours. Avant de venir en France, je me suis initiée dans le dessin automatique par un artiste, je considère un maître, qui est aujourd'hui considéré comme une pionnière dans l'art moderne, l'art contemporain en Chine et à Taïwan. Il s'appelle Li Zhongsheng. C'était au début de l'année 80, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner dans une lâche prise totale, rien pensé. Je me souviens, les consignes que mon maître qui m'a tenu, c'est jamais répété ce qu'ils font les grands artistes du monde. Première règle. Deuxième, jamais répéter tout ce qu'ils font tes collègues, tes profs. Troisième chose, c'est encore plus difficile, jamais répéter de soi-même. Voilà. Ça, simplement avec cette phrase-là, déjà ça me permet de méditer toute ma vie. Ce dessin automatique, j'ai commencé à Taïwan et après je suis rentrée à l'École Beaux-Arts de Paris. J'ai continué dans cette pratique artistique sur les supports traditionnels, soit peinture, soit gravure, soit des sculptures. Et puis jusqu'à début. L'année 90-93, j'ai commencé à apprendre à programmer. Et alors, oui, je pense que les dessins automatiques, c'est vrai. La seule chose, c'est de, finalement de la lâche prise, c'est-à-dire enlever tout ce côté de la cognition. Et d'abord, je vais vous laisser à découvrir. Mais à découvrir, c'est pas à chercher à comprendre, c'est à découvrir ce dessin, ce qu'il peut faire sur votre émotion ou à la limite de votre imagination. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Merci. Ce dessin simplement s'organise par des traits sur des papiers. Finalement, les traits, les lignes prennent leur propre liberté. Des fois, l'un rencontre l'autre pour faire en sorte quelque chose, des formes, on peut imaginer. Des fois, tous ces traits qui se tassent, on ne sait plus, on est perdu dans le fond, dans la confusion totale. Ou simplement des gestes qui devient comme une sorte de transe qui se répète, comme une sorte d'automatisme. Là, c'est des gravures. Je dessine avec des aiguilles sur des vernis noirs, même tu vois plus que je dessine. Mais c'est à ce moment-là, les formes prennent leur propre vie. Devenir une sorte de créature. Là aussi, c'est une gravure. Là, on revient des dessins de l'encre sur papier. Finalement, le trait nous parle. Pas notre. Vraiment, là, entre la frontière de la mémoire et de l'imagination. Des fois, il arrive avec une vitesse. Je prononce. C'est-à-dire, des fois, je fais un dessin, même pas 3 secondes. Et là, encore des dessins fondus dans les crayons. Hein, parce qu'il y a des moments d'ajustation des traits, mais il y a des moments effacement. Les traits ont envie de se cacher derrière. Voilà. Une autre. Des traits très efficaces et non pas directement. Et là, un dessin un peu plus complexe. C'est juste après, un matin, je me suis réveillée par un rêve qui est très étrange. Un rêve que je rêvais, que je sortais de mon corps, je vois mon corps. Et ces sensations qui, comme une cellule qui se divise en deux, je vais essayer de les transmettre par le dessin. Et là, un dessin avec beaucoup, beaucoup de pulsions. Si vraiment il y a des liens, je me souviens, c'est une période qu'il y a la guerre dans mon atelier. À l'époque, quand j'étais encore à l'école de Beaux-Arts. Et là aussi, là, tous les traits se manifestent par la manière d'être, c'est-à-dire soit fusionner, dessus une tache noire, ou soit qui s'éloigne, qui se tire dans le fond des papiers, à peine visible, ou même pas. Là aussi. Est-ce que je peux dire, je dessine, pas simplement avec toi, je dessine avec histoire. Tous les mains qui participent, tous les toits. Et là, finalement, les traits, ils surgissent d'une masse, une masse de forme, et ils nous parlent à notre manière. C'est-à-dire, pour moi, je découvre, en tant qu'artiste, je découvre après coup, je découvre un visage, un portrait. Et là aussi, c'est à ce moment-là, à l'instant que j'ai découvert qu'il y a quelqu'un qui me parle, et c'est ce visage, une tache, tout noir, mais qui bouge, avec ses bouches. Et des fois, je me suis arrêtée par cette... je suis effrayée, plutôt, par le moment, prends conscience de quelque chose qui est proche de la réalité, et là, je ne peux plus continuer. Voilà, des traits comme la poésie, pas beaucoup de mots. Ce qu'il faut, c'est l'espace pour respirer et pour imaginer. Encore. Tout ce poésie s'écrit, manifesté sur les papiers. Les papiers que j'ai récupérés, finalement, c'est des papiers à l'époque de l'impression, l'informatique, sur les comptes de l'école de Beaux-Arts que j'ai trouvé dans les poubelles. Parce que j'aime bien ce papier qui a une certaine résistance et aussi ce matière, cette couleur. Et je ne sais pas si je suis influencée par ce papier ou à l'époque, parce que sur ce papier-là, je dessine avec le long rouge, orange. Et là, simplement des traits et quelques hésitations. Et là, on lit une poésie dedans, on peut voir comme un chien ou un rat. Ou des gants, je ne sais pas quoi. Voilà, je continue à dessiner à cette époque-là. En même temps, je les passe quand je peux. Parce que tous ces dessins sont vraiment très liés dans ma vie quotidienne. Alors, je pose une question à... Est-ce que A est un chantier de vie? Comme Basquiat qui l'a dit, je ne pense pas à l'art quand je travaille, j'essaie de penser à la vie. Alors la vie m'a invité à venir la contempler de plus près, à une période. En épreuve, on n'est pas directement la maladie ou celle de mes proches. Et pour la comprendre, je pense à ce moment-là, est-ce qu'on peut ouvrir la lumière peut-être? Alors, je comprends la vie. Hein. Pour comprendre la vie, je suis vers la science. D'abord, au travers des livres, de Lynn McLeese. Puis, par la pratique, c'est-à-dire des recherches sur la vie artificielle, via un PC, ordinateur, devient mon laboratoire virtuel pour tester, pour créer la vie. Et aussi, j'ai une chance d'être des recherches sur la vie réelle. Sur plutôt la vie cellulaire, lors d'une résidence d'artiste à l'IFRA de Tours. Alors, oui, à travers ces rencontres, j'ai pu rencontrer des différents laboratoires de recherche sur la vie et aussi des chercheurs, avoir des échanges. Tout cela nourrit mon imagination d'abord et avec ma manière de les comprendre. Comme tout à l'heure j'ai dit que finalement l'ordinateur devient mon laboratoire virtuel pour essayer, pour créer. Du coup je ne peins plus de nature morte, je programme la vie vivante. Mais pour les programmer, parce que finalement, dans notre monde, tout ce qui est visible n'est qu'un phénomène éphémère. Pour les programmer, d'abord, il faut comprendre les mécanismes qui se cachent dessous ou derrière, pour comprendre, pour voir comment la vie a pu fonctionner ainsi. Alors, je suis allée plutôt vraiment de la base. Je commençais par les gènes, c'est-à-dire créer un laboratoire de gènes comme tout à l'heure, Yves a très bien expliqué sur la vie artificielle. Justement, c'est une très bonne préparation pour vous. Préparation vous permet de vous comprendre ce que je vais parler dans mon processus de création. Alors, ce laboratoire de gènes, il y a deux parties, génotech et la phénotech. En principe, tous les paramètres pour construire une créature, soit les formes, ou le matière, ou lumière, ou le mouvement, tout ça, c'est décrit par les codes. Et puis, à travers les programmes, les fonctions qui peuvent les calculer et à la fin afficher sur l'écran. Et une fois ces créatures sont créées, il faut que je les mette dans le monde virtuel, c'est-à-dire il faut créer l'environnement virtuel pour qu'ils puissent vivre et survivre. Parce qu'une fois créés, ils sont là, mais il faut le donner un but. Et puis à travers tout cette, ce processus-là, à la fin, on va donner des séquences des films, et là, je peux travailler sur, là c'est une autre post-production pour le montage. Voilà, pour la morphologie des créatures, je vais utiliser la craft orientée, qui me permet à décrire les formes de base géométriques. Puis, j'ai envie qu'ils puissent se reproduire. Du coup, chaque créature, à part l'échange des gènes, peut générer des nouvelles générations. Et voilà, ces créatures, une fois qu'ils sont nés, sont doués de leur, qu'ils ont leur l'état mental, leur désir, et c'est là qu'ils voient. Qui devient le mode de comportement de ces créatures. Et ils ont une perception du monde, puis vont agir sur le monde extérieur. Voilà comment prendre une action. Là, derrière, c'est-à-dire, il y a notre système cognitif permet, ce système cognitif, déjà, il y a, qui contient la partie de la mémoire de leur l'apprentissage, puis aussi, il y a leur, comme tout à l'heure dit, leur désir qui est dans leur génétique. Ensemble, va permettre de prendre une décision, agir. Et puis, leur action, forcément, va influencer sur l'environnement. Finalement, c'est un feedback. Et là, il va agir, et là, c'est le monde. Les possibilités le monde, dans le monde, dans l'environnement virtuel. Et l'environnement aussi, c'est un environnement vivant qui sont appliqués par des algorithmes de l'automate cellulaire. Voilà. L'ensemble forme une biosphère virtuelle, c'est-à-dire les créatures à travers leur perception, puis agir ce qui est possible, puis influence sur l'environnement. L'environnement aussi a leur propre comportement, puis il agit, il forme l'ensemble. Voilà, là c'est le résultat qui donne. Et l'ensemble des créatures et l'environnement sont au fond. Alors, là, c'est les résultats. Peut-être je vais te montrer aussi Fabien. Qu'on va aussi découvrir ensemble ce monde virtuel. Qui sont finalement là, je touche plus mes pinceaux. Là, je prends mes doigts sont directement sur les claviers pour programmer, comme tout à l'heure, tous les processus. Finalement, le processus de création a changé carrément. Vraiment, totalement. Mais. Je pense essentiel, c'est l'imagination sont toujours là, le vécu sont toujours présents, c'est l'expérience artistique sont là aussi. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, il n'a pas vraiment des outils 3D comme maintenant, hein, aussi performants. À l'époque, je dois mettre mes doigts vraiment dans les codes. Mais chaque fois, une fois la machine, l'ordinateur a calculé une marche, chaque fois, vraiment, je suis surprise de découvrir ce résultat. Parce que pour calculer une marge, des fois, à l'époque, il faut une demi-heure ou trois quarts d'heure. Puis, au moment où j'arrive, je découvre, et bien, toutes les formes qui sont encore plus étonnantes que je peux imaginer, et la matière, et les sensations, hein, même les sensations pictures. Picturaux sont toujours voilà, c'est presque comme un tableau abstrait. Une chose que je peux dire, c'est de dire finalement dans la programmation, les rendus, ok, bien sûr il y a les perspectives, la perspective était vu à travers une caméra. Mais dans cet univers, chaque fois, j'installe plusieurs caméras. Du coup, les images sont superposées. Et aussi, l'éclairage, les lumières. J'ai mis plusieurs, j'ai installé plusieurs lumières pour éclairer ce monde virtuel. Finalement, tous ces objets deviennent mes toits. Comme des toits. Hein. Et à travers cette programmation, finalement, je peux dire, je possède de mi-toit. Et ce laboratoire de gènes, laboratoire génétique que j'ai développé, finalement, devient comme une palette, hein, pour un peintre. Et aussi, finalement, c'est derrière, c'est cette compréhension, hein, qui nourrit mon imagination, c'est-à-dire de cette compréhension, aller comprendre finalement comment obtenir une matière organique, hein, comme cette matière dans cette image-là, aussi son clan, hein, liquide. Finalement, comprendre physiquement comment ça marche. Et là, je pourrais, à travers les programmes, essayer de les simuler, mais encore plus loin, pas simplement la simulation, c'est encore arriver à pouvoir tenter de tourner sentiment. Et voilà, ça c'est une des créatures virtuelles nées de ce laboratoire de gènes. Aussi une autre. Mais si on regarde de près, c'est vrai, dans ce trait-là, il y a vraiment des traits comme les pinceaux chinois. Avant, j'ai fait la peinture chinoise, j'ai fait la gravure, mais ils sont tous présents. Et là aussi, je crois à cette période-là, c'est proche Noël, j'ai vu plein de déco Noël, et ça nourrit aussi, ça. Et finalement, ils sont apparus comme ça. Et là aussi. C'est vrai, les scientifiques ont envie de comprendre le monde. Et je pense, l'artiste, ils sont encore plus ambitieux. Et pas simplement comprendre. Finalement, par leurs sentiments, ils transforment le monde. Là, c'est une autre créature. Mais même à l'époque, j'arrive de faire mon simulé, je veux dire simulé, je n'aime pas ce mot, mais faire, comment dire, aussi tenir cet aspect, le fond devient comme papier de l'aquarelle, canune. elle a une autre forme. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont vu mes dessins, mes gravures, et après, ils ont vu mes films de créatures virtuelles, ils ont dit, ben alors, vous avez déjà dessiné votre créature virtuelle. Mais il y a au moins 15 ans différentes. En plus, ouais. Voilà, mes cultures de vie artificielle dans le silicium. Je vous montrerai un morceau de film pour vous montrer qu'ils ne sont pas vraiment vivants, qu'ils sont capables de bouger. Pendant ma thèse, à travers ce laboratoire de gènes, j'ai créé vraiment presque centaines de créatures comme ceci. Et des créatures virtuelles ne font pas vraiment monter l'extérieur, mais des créatures qui dansent. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Alors, finalement, ce processus de création personnelle qui se nourrit du côté de la vie artificielle, mais tout en gardant tout ce côté artistique, c'est-à-dire toute cette la sensation, le désir de l'artiste, qui ensemble génère un monde virtuel. Pour moi, animation, c'est tout et d'âme. Finalement, on revient à ce mot ontogenèse. Et alors, aujourd'hui, si je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est digital mental pour moi, c'est la pensée numérique ou encore algorithmique. Et un moyen d'accéder, comprendre et saisir le monde, les formes du monde, pour concevoir un nouveau monde pour l'art. Ok, maintenant je vais présenter notre parcours d'un autre artiste japonais que j'ai eu l'occasion de le rencontrer cet été à Taïwan, parce qu'il a fait une exposition au musée d'art contemporain à Taipei. Alors c'est l'artiste, aujourd'hui il est considéré vraiment comme un pionnier dans l'art numérique. Alors il est né en 1952. Alors avant de présenter ses travaux, plutôt d'aller comprendre tout qui vient. Tout y vient. Alors, finalement, il est né sur une île volcanique de Tanikashima. C'est l'île. Alors, c'est l'île subtropicale située au confluent de plusieurs courants océaniques. Possède un riche marin et une végétation luxuriante. Et l'île aussi, il y a une particularité, c'est que l'île a pris un centre spatial avec un base de tir. Et Kawakoshi, finalement, il passe son enfance dans cette île, entre la mer et le ciel. La mer, il adore faire le plonge. Finalement, là, il découvre notre monde. Et aussi, je veux dire, le ciel, c'est l'espace. L'inconnu pour lui permet de rêver. Un espace de son rêve. Tout à l'heure, on va voir à travers ses travaux pour comprendre cette relation entre la mer et le ciel. Alors, Kawa, il a, finalement, tout à l'heure, j'ai dit qu'il est un artiste pionnier dans l'art numérique. Il a gagné de nombreux prix à travers toutes ses créations dans l'année 80, début 80 et puis en 2000, tout ça. Le film d'image de synthèse en 3D. En 1982, le prix de Seagraph avec le modèle qu'il a développé s'appelle modèle de croissance. 1995, il représente le Japon à la Biennale de Venise. C'est vraiment un premier artiste dans le domaine, dans la création numérique, considéré comme artiste dans l'art contemporain, en 1995. Après, en 2010, il a reçu un prix d'honneur de l'artiste pour l'ensemble de ses travaux, au Seagraph. Et 2013, il a reçu une prix médaille de ruban poudre. Et puis le prix du ministère d'éducation et de la culture au Japon. Parce que son parcours était très riche. À partir des années 80, les films d'images de synthèse. Et après, récemment, à partir de l'an 2000, il a ressorti toutes ces formes générées par ordinateur et a transformé en comme une forme de sculpture. Hein, c'est avec la matière polymère renforcée de fibres. Pas vraiment de l'impression 3D, mais c'est vraiment le moulage à travers le modelage. À 17 ans, Kawaguchi a commencé à apprendre le programme. Apprendre à programmer. Et en 1976, il a développé un algorithme de croissance de forme qu'il appelle modèle de croissance. Grand modèle de croissance. Finalement, je pourrais dire que pour moi, c'est une laboratoire de gènes, pour lui, c'est un modèle de croissance. Alors, finalement, ce modèle devient le moteur génératif de ses films, qui représente son monde imaginaire. Alors, il a assimilé, à l'époque, hein, toutes les techniques de pointe, à l'époque, pour la création de l'image de synthèse. Ce qui est formidable, que je trouve, c'est que lui, chaque fois hein, qu'il crée, mais pas simplement assimiler les techniques de pointe de l'époque, mais aussi hein, il est ouvert, il est curieux à tous les nouveaux médias, et les nouveaux médiums, le plus actuel. En lendemain, finalement, il a recalculé tous ses films. Les films qu'il a écrits en 1980. Et 20 ans après, il a recalculé sur un écran avec haute résolution 4K. Et puis 2005, sur l'écran 8K. Et cela donne vraiment la qualité de l'image encore plus impressionnante. On peut voir parce que dans les années 80, c'est impossible d'avoir ce genre d'image. Et même la puissance d'ordinateur ne peut pas générer des algorithmes de récursivité avec autant de niveaux. Et en plus, pour recalculer, il a obligé de porter ces algorithmes, ces programmes à écrire dans un autre environnement de langage. Parce que, il a dit au début, il programme en frottant. Et puis après, il a réécrit en langage C. Et puis après, on voit qu'en l'an 2000, il a ressorti sur cette déforme, tout ça. Hein. Et en principe, on verra après, il y a ce modèle de croissance, de la récursivité, toujours, une structure récursive, mais c'est comme les fractales, les courbes de Drakov. Et en l'année 83, il a commencé à travailler avec un chercheur sur, à l'époque c'était des métaboles, hein, il a généré notre des films métaboles. Mais à partir de cette base algorithmique, et là, les métaboles permettent de générer des formes, des petits bonhommes, des créatures. Et ces séries de films, finalement, il a ressorti un peu comme les végétaux, les coraux. Alors, ce modèle de croissance de Kawaguchi incorpore une structure récursive, la répétition de nombreuses règles simples dans un environnement complexe. L'artiste développe son propre algorithme génératif qui génère des formes de vie complexes. Ces méthodes auto-organisatrices nourrit en retour la riche imagination de l'artiste qu'il exprime sous forme de dessin. Et c'est là qu'on peut voir. Là, on voit finalement, il développe le modèle de croissance vers générer les films. Après, une fois qu'il a découvert les films, c'est une esthétique numérique nourrit en retour une autre imagination avec un autre médium, le dessin. Et tout cela sont dessinés à la main. C'est des crayons à couleur. Vous avez dit créer à la main avec des crayons de couleur. Il dessine à la main. Ça directement sur le papier. Et pourquoi il n'est pas resté avec des algorithmes et d'impression? Je connais très bien Kawaguchi, puis je ne connaissais pas ce travail au crayon de couleur. Mais maintenant il dessine. Mais pendant quand il était à Taïwan, au musée là, il dessine toujours son papier, il dessine dans le train aussi. Il dessine. Parce que finalement, après l'image de synthèse, okay, mais il a envie d'aller encore plus. Pour moi, là, il y a une autre, comment dire, presque une folie, hein, une autre pulsion. On a envie de prendre notre forme de liberté. Après, il y a une autre série de dessins. Hein, et là, c'est comme tout à l'heure. Alors, il a un thème. Il appelle ça, c'est des biomachines cosmiques. Wow. D'abord, je vais vous montrer ce film. Sous-marin. Bien sûr, là, il a exploré toutes les caractéristiques de rendu de l'image de synthèse. En couleur, en vert, en transparence, ou translucide, ou bien coloré. Presque comme matière plastique ou en cuir. Et là, c'est comme la glace métaux. Type de rendu. Voilà. Alors tout cela, bien sûr, vient de son vécu d'enfance. Comme il a, comment dire, qu'il passe des temps au fond de la mer. Et puis, tout à l'heure, quand j'ai dit dans l'espace, alors, il a appelé de cette créature cosmique. Finalement, il crée une série de ces créatures. Pour lui, c'est qu'il a envie de la partir avec dans l'espace, aller peupler ou conquérir en espace. Et alors, pour aller conquérir dans l'espace, il a bien observé aussi l'évolution de la vie. Il a compris que finalement, bien que la morphologie d'une espèce sont pas au hasard, c'est aussi c'est un résultat d'une évolution, hein, pour survivre et capacité de se défendre. Du coup, tous les symboles, pour lui, ont un sens. Un chaos pour se défendre. Et puis, il y a aussi pour lui, tout se forme à un fonctionnement propre pour survivre. Et là aussi, une autre biomachine cosmique. Et tout ce dessin, il l'a fait en l'an 2000. Et c'est aussi à cette période-là, il a commencé à sortir sous forme de sculpture réelle. Avec ce matière polymère renforcée en fibre. Et aussi, il dessine ses formes, comment dire, comme des algues. Après, il prend un autre motif. Et ça, c'est avec des crayons. Et il dessine aussi. Finalement, on peut voir qu'à travers ce programme de croissance qu'il a développé, finalement, ça a aussi sa influence dans ses dessins. Toujours des formes se répètent. En 2008, il a sorti sur les plastiques gonflants. Et là, c'est aussi des plastiques. On appelle ça Egg Boy. Des petits. Là, petites créatures. Et là, les algues, comme tout à l'heure, ce qu'il a dessiné, il a ressorti aux sculptures réelles. Et là, aussi, comme tout à l'heure, ce qu'il a dessiné, c'est une forme de bio-machine cosmique. Et là, c'est le modèle de croissance qu'il est en sculpture. Et aussi, récemment, il a les transformé en LED. Voilà. Pour Kawaguchi, il a dit que pour lui, il y a un autre thème sur la notion de l'interaction, la gémotion, et l'art émotionnel grandissant, évolutif et héréditaire. Voilà, je m'arrête. Je vous remercie. Peut-être une question de... Mais pas beaucoup de questions, parce qu'on est vraiment très, très, très en retard. Il faut impérativement qu'on recommence à 14h, puisqu'on doit être à 16h30 à Bellegarde. Peut-être une question quand même. Oui, oui. Les étudiants... Oui, oui. Vous avez dit que vers la fin, l'artiste est retourné au dessin à la main. En fait, il s'est remis à dessiner à la main. Est-ce que c'est dû à une limite dans le dessin numérique, des difficultés de liberté? Je pense pas. Je pense déjà pour lui, non, je pense que c'est plutôt qu'il a. C'est le moment quand il a sorti tous ces objets, tous ces. Sous forme de sculpture. Et là, il revient. Mais déjà, artiste, Kawa, il a dit que quand il était petit, il adore dessiner. Et là, je pense qu'il y a une. Pour sortir toutes ces créatures sous forme de. Sous forme 3D réelle, et là finalement, il est revenu au contact avec la matière concrète. C'est vrai, moi je pense que ce n'est pas encore de limite dans le monde virtuel ou en programmation. Non, c'est le désir d'être reconnu comme un artiste qui fait des sculptures et des dessins à la main. Il avait le sentiment, je le connais très bien, il avait le sentiment, c'est un grand adolescent Kawaguchi, et ça, il avait le sentiment qu'il n'était pas reconnu comme un artiste parce qu'il était dans, dans l'image virtuelle. C'est juste tout bête, c'est ça. C'est tout bête, je retire le mot. Oui, il y a pas aussi le besoin de, d'incorporation, oui. En fait, de sa création. Être dans le virtuel, c'est bien, mais vous disiez, il a toujours dessiné depuis enfant. Donc, c'est comme un rapport, j'allais dire, presque charnel à la matière, dans l'acte de créer. Est-ce que ce n'est pas un retour vers, justement, ça, ce besoin de, à satisfaire, en fait ouais. Quand vous avez montré à un moment le dessin, quand il a repris le dessin, vous disiez qu'il y avait quelque chose de phobie qu'il a repris le dessin, avec ce besoin de liberté. En fait, vous parliez de vous. Oui. Parce qu'il y avait la gestion en même temps. Hein? Est-ce que vous, je vais vous poser donc une seconde question. Est-ce que vous dessinez de, encore? Non, papier. Non. Voilà, c'était. Non, parce que je le trouve. Parce que je trouve ces dessins, ils se tendent plus que. Qu'on voit dans l'image de synthèse, dans cette image de synthèse. C'est pour ça que je trouve qu'il y a plus de folie que dans l'image de synthèse. Parce que l'image de synthèse, ok, les fois, ils se déplacent. C'est vrai, il y a encore certains. Oui, mais ils sont encore, comment dire, très sages. Très logique. Dans vos groupes, est-ce que, finalement, par rapport à la musique, est-ce que la musique, elle est. Vous l'avez utilisée comme. Dans mes films ou dans ses films? Dans vos films. Est-ce que la musique est un support pour c'est votre synthèse, c'est, vraiment une, c'est vraiment une rencontre fortuite sur le dernier moment. Je l'ai prévu. Est-ce que c'est vraiment rythmé par rapport au mouvement qu'on voit? Il est vraiment rythmé par rapport à la musique Alors, non. Tout n'est pas pensé en avant. Puisque comme moi, je suis vraiment travaillée dans cette automatique psychique. C'est rien prévu, mais c'est la vie décide. Je pourrais vous dire, le film éphémère, finalement, le moment quand je finis, je collais toutes les séquences, finis le montage, et c'est là, un ami qui est rentré, qui m'a dit, vous savez, Dana est mort. Ce matin, on croit, j'étais un peu étonnée. Parce que je suis vraiment concentrée sur le montage, c'est un travail minutieux, je suis très contente. Et puis tout à coup, quelqu'un qui a dit, bah, Dana, il est mort, un accident dans Paris. Quoi? Et puis moi, et là, je dis, bah, même la vie d'une princesse, ou d'un roi, un jour, elle va mourir. Mais la vie est tellement éphémère. Et puis voilà le titre. Et puis la musique pour mon film, c'est aussi un jour, quelqu'un qui m'a montré ce groupe, hein, ça s'appelle Entram, et je trouve, ah, super, et surtout, la voix sont très chaleureuses, je me dis. Et bien, le moment quand je travaille, et qui m'a montré la musique de ce groupe, et en même temps, c'est-à-dire que quand je découvre les deux, en même temps et qui ressemble parfaitement. Voilà. Merci.